بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ceci est la traduction du troisième cours de l'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari par Sheikh al-Buti rahimahullah. Donc ça commence. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur des univers. Les meilleures bénédictions et salutations sur notre maître Muhammad et sur l'ensemble de sa famille et de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nuri al-fahm wa aftah alayna bi ma'rifati al-ilm wa sahil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion. Ennoblis-nous par la lumière de la compréhension. Ouvre-nous à la connaissance de la science. Adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience. Et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est le troisième cours d'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari. Puisse Allah lui accorder sa miséricorde. Ibn Ata'illah dit « Min alamati l'i'timadi ala l'amal nuqsan al-raja'i inda wujudi zalal » Parmi les signes montrant que l'on compte sur ses actions, il y a le fait que l'espoir faiblit lorsqu'on commet des erreurs. Je résume d'abord ce que nous avons déjà évoqué concernant cette sagesse, pour ensuite construire sur ce résumé la finition adéquate. Ce que dit Ibn Ata'illah, il y aboutit à partir d'une règle de base qui a trait à la doctrine, règle sur laquelle il n'y a ni confusion ni divergence. Cette règle dit que l'espoir de l'esclave d'Allah doit, quelle que soit la situation, être lié à la générosité d'Allah, à sa grâce, à son pardon. Cette règle est l'un des principes de base de la croyance dans notre religion. Et c'est l'un des sens les plus importants de la croyance en l'unicité d'Allah. Il faut que l'homme compte et se base sur le pardon d'Allah, et ce dans tous les cas, que cet homme ait fait preuve de manquement ou pas. Sur le pardon d'Allah, sur sa générosité, sur sa grâce. Et en aucun cas, l'homme ne doit compter sur ou se baser sur ses œuvres. Ceci est le point de départ de cette sagesse. Et nous avons clarifié ce fondement au cours précédent. Nous avons dit, et je le répète afin que nous n'oublions pas, quand Allah, pureté et toute puissance à lui, promet dans son livre au bienfaisant, c'est son pardon, c'est sa miséricorde qu'il promet. Et cela veut dire que l'homme dont Allah a décidé qu'il ne lui pardonnerait pas ses péchés, eh bien cet homme-là, ses œuvres ne feront pas d'intercession en sa faveur. Et le sens de ceci aussi, c'est que si Allah, pureté et toute puissance à lui, ne fait pas don de sa miséricorde à l'un de ses esclaves, les actions, les œuvres de ce dernier ne pourront en aucun cas remplacer cette miséricorde. Lisez le livre d'Allah le Tout-Puissant et vous trouverez qu'Allah, quand il promet au bienfaisant, clarifie toujours cette promesse qui est celle du don à travers son pardon. D'où la parole d'Allah, pureté et toute puissance à lui. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai donc pour ceux qui pratiquent la piété et acquittent l'impôt, la zakat, pour ceux qui sont croyants en nos signes. Il prescrit la miséricorde pour les pieux, ceux qui le craignent. Est-ce que le pieux entre au paradis par ses œuvres? Non, par la miséricorde d'Allah. Et ceci est la formulation, le texte du Coran. Et Allah clarifie constamment cette réalité. Et quand nous prêtons l'oreille aux invocations des messagers et des prophètes, nous nous rendons compte que tous comptent sur la miséricorde d'Allah et pas sur leurs actes. Y a-t-il des gens dont les actes d'adoration et d'obéissance sont plus nombreux ou plus importants que ceux des messagers et des prophètes? Non, il n'y en a pas. Et malgré cela, que dit par exemple notre maître Ibrahim, alayhi salam, Abraham, Khalil al-Rahman, celui qui a le surnom d'ami d'Allah? Son invocation est rapportée dans le Coran. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ô mon Seigneur, permets-moi ainsi qu'à une partie de ma descendance d'établir l'office, la prière, et exauce ma prière, ô notre Seigneur. Ô notre Seigneur, pardonne-moi à mon père et à ma mère, et aux croyants, le jour où se dressera le compte. Donc, notre maître Ibrahim, malgré le fait qu'il demande à Allah de lui faciliter, de lui permettre d'établir la prière, de faire les actes qui le rapprochent d'Allah, justement, et bien malgré cela, notre maître Ibrahim annonce que son espoir est lié à la miséricorde d'Allah, à sa générosité et à son pardon. Ô notre Seigneur, pardonne-moi à mon père et à ma mère, et aux croyants, le jour où se dressera le compte. Que veut dire cette invocation de notre maître Ibrahim? Elle veut dire que si Allah ne pardonne pas à notre maître Ibrahim, même si toutes les bonnes actions de ce dernier avaient empli la terre dans tous ses recoins, elles ne lui serviraient à rien. N'est-ce pas? Notre maître Youssouf, alayhi salam, Joseph, quand il a fait une invocation à Allah, pureté et toute puissance à lui, à la fin de sa vie, et vous savez tous qu'il fait partie des messagers principaux, Ulul Azm, et que c'est l'homme qui a donné l'exemple ultime de patience, une patience inébranlable. Et malgré cela, quand il a invoqué Allah, a-t-il lié son espoir à ses actions antérieures, ses actes de bienfaisance, sa patience, son héroïsme, ou a-t-il lié son espoir à la miséricorde d'Allah? Il l'a lié à la miséricorde d'Allah, comme rapporté dans le Coran. Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves, créateur des cieux et de la terre. Tu es mon allié ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Autrement dit, je ne fais pas partie des vertueux. Je n'ai rien dans mes actes sur quoi je pourrais compter pour me rapprocher de toi. Mais tout ce sur quoi je compte, c'est ton pardon, ta grâce, ta bonté, ta délicatesse, ta parfaite connaissance. Sinon, il n'aurait pas dit « fais-moi rejoindre les vertueux ». D'ailleurs, de ce que nous voyons et savons, les vertueux, il en fait partie. Notre maître, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a soulevé ce point de manière explicite, comme nous l'avions déjà mentionné. Il dit « vos actions ne feront entrer aucun d'entre vous au paradis, autrement dit si elles sont prises indépendamment. Ils dirent, pas même toi, ô envoyé d'Allah, il dit, pas même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Nous savons donc maintenant que parmi les principes de la doctrine islamique, il y a le fait que si l'homme espère le don d'Allah, ses jardins au jour de la résurrection et le bonheur, il doit se baser dans cet espoir sur le pardon d'Allah, sur sa grâce, sur sa miséricorde envers lui. Y a-t-il une quelconque confusion sur ce point? Non, ni confusion ni désaccord. Nous sommes donc partis de ce point. Peut-être y en a-t-il parmi nous qui ont besoin de goûter un peu plus à cette réalité. Nous avons certes déjà résumé ce que nous avons évoqué au cours précédent, mais nous allons en rajouter pour clarifier encore plus les choses. Ibn Rataillah Sakandari dit, après ce point de départ, « Nous savons maintenant que l'homme, quand il demande à Allah, doit se baser non pas sur ses actions, mais sur la générosité d'Allah, sa parfaite connaissance. » Ibn Rataillah dit, « Parmi les signes qui montrent que tu comptes, ô humain, sur tes œuvres, contrairement à ce principe exposé, justement, parmi les signes de ce dysfonctionnement, il y a le fait que ton espoir en le pardon d'Allah diminue lorsque tu commets des erreurs. Parce que quand tu tombes dans l'erreur, ton espoir baisse. Tu commets une seconde erreur, il baisse encore, et ainsi de suite. Cela montre qu'en vérité, la source de ton espoir, ce sont tes œuvres, tes actions. Voilà pourquoi chaque fois que tu reviens à ton stock de bonnes actions, et que tu vois qu'il est maigre, ton espoir diminue. Et ça, c'est un danger. Et je dis que le contraire aussi est vrai, remarquez. Parmi les signes qui montrent que tu comptes sur tes actions, il y a le fait que ton espoir augmente lorsque tu fais de bonnes actions. On pourrait dire « Min alamati al-i'timadi 'ala al-'amal ziyadatu ar-raja'i 'inda wujudi al-'amal ». Autrement dit, quand tes bonnes actions se multiplient et que ton espoir augmente, quand tes bonnes actions se multiplient, ton espoir augmente par l'augmentation de bonnes actions. Imaginez un homme qui priait seulement les prières obligatoires, tout en s'éloignant des interdits. Puis Allah l'a assisté, lui a permis de prier des prières surrogatoires la nuit. Puis Allah l'a assisté et lui a permis de jeûner tous les lundis et les jeudis. Puis Allah l'a assisté et lui a permis de réciter chaque jour 3 juz du Coran. Puis il s'est rapproché encore plus et il s'est mis chaque jour à réciter 5 juz. Puis il s'est mis à évoquer intensément Allah chaque jour. Ses bonnes œuvres ne font qu'augmenter. Et chaque fois qu'elles augmentent, son espoir augmente avec ses bonnes œuvres. Il finira donc dans une situation dangereuse. Arrivé à une certaine étape, il parviendra à la certitude quasi absolue qu'il fait partie des gens du paradis. Chaque fois que les bonnes œuvres augmentent, l'espoir augmente, jusqu'à finir par atteindre le plafond. Qu'est-ce donc que ce plafond? C'est le moment où il dira « C'est bon, je fais partie des gens du paradis, car toutes mes œuvres sont bonnes et ma vie est emplie d'actes d'obéissance. » Cette situation, elle est la conséquence de quoi? C'est la conséquence du fait de compter sur ses œuvres. Bon, l'arrivée de l'homme à un tel résultat, est-ce que c'est quelque chose d'acceptable? C'est ça, le fait de jurer sur Allah, pureté et toute puissance à lui, de jurer qu'Allah fera telle ou telle chose qui nous fera entrer au paradis par exemple. Quel que soit le haut degré de bonnes actions que l'humain peut atteindre, ces bonnes actions ne dépasseront pas celles des messagers et des prophètes. Tes actions ne seront pas meilleures que celles de notre maître Ibrahim ou que celles de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah se basait-il ou comptait-il sur ses actions? Notre maître Ibrahim comptait-il sur ses actions? Si c'était le cas, il n'aurait pas dit, comme rapporté dans le Coran, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Et ne me disgracie pas, ne me fais pas ignominie au jour où l'on sera ressuscité, au jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront, sauf à qui convient à Allah avec un cœur saint. Il a oublié ses œuvres, il a oublié tout ça, et il a senti qu'il venait à Allah nu, vide de toute action qui pourrait le rapprocher d'Allah. N'est-ce pas? Donc, maintenant nous avons goûté, nous avons pris connaissance du fait que le croyant doit lier son espoir en Allah, à la grâce d'Allah, à son pardon, à sa miséricorde, pureté et toute puissance à lui. J'ai aussi dit, et je le répète, qu'aussi important fussent-elles, les œuvres de l'humain n'atteindront jamais, si elles sont prises de manière indépendante, la valeur du paradis d'Allah, pureté et toute puissance à lui, ce paradis qu'il t'a promis. Tes actions n'atteindront pas sa valeur et n'en sont pas le prix, contrairement à la situation où un homme achèterait une maison. Comparez les deux situations et vous verrez qu'elles sont sans commune mesure. Pourquoi? Parce que quand tu donnes au propriétaire le prix de sa maison, tu donnes ce prix en utilisant ton propre argent. Et le propriétaire n'a aucune faveur dans cet argent que tu lui donnes. Mais quand tu te rapproches d'Allah par le biais de ce qu'il t'a ordonné, ton rapprochement se fait par la grâce d'Allah, par un ennoblissement d'Allah, par une accommodation d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Puisqu'il en est ainsi, tu ne peux pas faire de tes actes de rapprochement d'Allah une sorte de prix, comme cette somme d'argent que tu dépenses de tes propres deniers, que tu donnes au propriétaire de la maison et à qui tu peux dire « Je t'ai donné la somme complète, sors, sors de cette maison, qui est maintenant devenue ma maison. » Cette comparaison ne tient pas la route. Je répète aussi cette remarque concernant le propos très précis qu'a employé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit « La niyudkhila ahadakumul jannata amalo » « Vos actions ne feront entrer aucun d'entre vous au paradis. » Autrement dit, vos actions prises de manière indépendante. Il n'a pas dit « La niyadkhula ahadakumul jannata bi amali » « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses actions. » Non, il n'a pas dit ça. Car notre Seigneur lui-même a dit « Udkhulul jannata bima kuntum ta'maloun » « Entrez au paradis » pour ce que vous œuvriez. Ce n'est pas la même chose. Si je dis « Demain, j'entrerai au paradis par mes actions », c'est une erreur. Tes actions sont beaucoup trop négligeables pour te faire entrer au paradis, car tout d'abord, ton action n'a pu se réaliser que par l'accommodation d'Allah. Mais quand tu dis « Allah me fera entrer au paradis par mes actions », là le propos devient exact. Cela veut dire qu'Allah, le Tout-Puissant, a décidé de faire de tes œuvres le prix apparent de ton entrée à son paradis. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand tu vois un pauvre dans la rue qui vend des allumettes, des babioles, des choses futiles, il est pauvre mais il ne veut pas aller vers la mendicité, et c'est pourquoi il vend ces petites choses sans valeur. Tu le vois et tu as pitié pour lui. Tu sors 100 livres. Petit aparté traducteur, livre monnaie syrienne, rappel. Tu sors 100 livres de ta poche, tu les mets dans sa main et tu prends une boîte d'allumettes. L'image extérieure, c'est quoi? C'est que tu as donné 100 livres en échange d'une boîte d'allumettes. Mon frère, il t'a donné une boîte d'allumettes, voilà, tu lui as donné 100 livres. D'où le fait qu'il ait mérité ces 100 livres. Voilà, l'image est ainsi. Mais la réalité est-elle ainsi? Regarde comment l'esclave d'Allah traite l'esclave d'Allah. Comment alors le Seigneur traite-t-il son esclave? Le traitement du Seigneur envers son esclave est de ce style-là. Il te dit, prie, obéis, etc. Et il te le permet, t'y assiste. Il te donne l'argent pour te dire ensuite, prête-moi une partie de cet argent. C'est lui qui te donne, puis il te dit... Prête-moi une partie de cet argent, et si tu m'en prêtes, c'est-à-dire si tu le donnes à un pauvre par exemple, je te donnerai en échange de la livre 10 livres. En vérité, ceci ressemble à l'homme qui a donné au pauvre vendeur d'allumettes 100 livres ou 1000 livres, mais qui a donné à cet acte de charité l'image d'une vente et d'un achat. Voilà le sens des paroles d'Allah le Tout-Puissant. Entrez au paradis pour ce que vous œuvriez, ou par ce que vous œuvriez. Ce par, il est plein de la générosité d'Allah. Ce lien de cause à effet, il est plein de sa miséricorde, de sa grâce, du fait qu'il peut ne pas tenir compte de tes erreurs. Donc si tu dis « j'entrerai au paradis par mes actions », ajoute « par une grâce d'Allah qui fait de mes actions la cause de mon entrée au paradis ». Ne dis pas « ce sont mes actions qui me font entrer au paradis ». Voilà, nous en avons fini avec ce point. La confusion qui peut découler de cela, c'est qu'on pourrait dire « alors pourquoi œuvrer ?» Si nous devons lier nos espoirs à la miséricorde d'Allah, au pardon d'Allah, à sa grâce, alors le vertueux et le vicieux sont à pied d'égalité. Celui qui prie et celui qui ne prie pas sont à pied d'égalité. Le débauché est à pied d'égalité avec celui qui ne l'est pas, dans le sens où les espoirs de tout cela sont liés à la miséricorde d'Allah. Du coup, l'action, les œuvres sont devenues quelque chose de banal, dont la valeur est considérablement affaiblie. Peut-être alors que quelqu'un dirait même « je n'ai pas besoin d'œuvrer ». Le point que nous avons cité précédemment aboutit-il nécessairement à ce résultat? Non les frères, pas du tout. Quant à l'obligation, la nécessité d'œuvrer, c'est parce que nous sommes des esclaves, et c'est le tribut de l'esclavage qui a à nous coup. Allah m'a ordonné de pratiquer mon esclavage vis-à-vis de lui par ma conduite. Et il est du droit de la seigneurie d'Allah sur moi que je m'acquitte du tribut de mon esclavage envers lui, n'est-ce pas? Tu n'es pas le père, l'égal d'Allah, pour qu'il y ait un contrat entre toi et lui, un contrat dans lequel vous demanderiez réciproquement des choses l'un à l'autre. Non, tu es un esclave. Tu n'es pas un signataire, une partie d'un accord. Il n'y a pas de partie qui traiterait avec Allah d'égal à égal. Tu es un esclave qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, possède. Y a-t-il un problème, une confusion en cela? Et l'esclave doit avoir la conduite d'un esclave, n'est-ce pas? L'œuvre de l'esclave envers son maître doit être intrinsèquement liée à la réalité de sa servitude, à son identité d'esclave. Et combien de fois avons-nous dit qu'Allah a créé l'homme en tant que son esclave, que l'homme n'a pas le choix dans cette contrainte, mais qu'Allah lui a ordonné de remplir son rôle d'esclave en lui laissant le choix? Autrement dit, comme Allah a fait de moi un esclave par contrainte factuelle, il m'a demandé d'être son esclave par choix, par le choix que j'ai dans ma conduite. Ceci ne pose pas de problème ni de confusion en fait. Voyez tous ces humains d'est en ouest, du nord au sud. Voyez les croyants d'entre eux, les débauchés d'entre eux, les non-croyants. Vous verrez imprimer en chacun d'entre eux la marque de l'esclavage. Vous verrez sceller sur chacun d'entre eux le sceau de cet esclavage envers Allah. N'est-ce pas leur réalité qui révèle ainsi, qui énonce une telle situation? Ils sont créés petits. Puis la décision d'Allah, pureté et toute puissance à lui, s'applique sur eux. Allah qui dit « Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha » Allah, c'est lui qui vous a créé de faiblesse. Puis après la faiblesse, il assigne la force. Puis après la force, il assigne la faiblesse et la vieillesse. Il crée ce qu'il veut. Nous sommes tous réglés par cet ordre, cette organisation. Cela est une preuve criante de notre esclavage vis-à-vis d'Allah. La mort est une preuve criante de notre esclavage vis-à-vis d'Allah. Le fait que tu utilises des pouvoirs en toi, dont Allah t'a fait don sans que tu en sois l'acteur, ceci est une autre preuve criante de l'esclavage vis-à-vis d'Allah. La raison, les facultés intellectuelles te viennent. Et d'où te viennent-elles? Puis elles disparaissent avec la vieillesse et la divagation liée à la vieillesse, la gâterie. Le gâtisme, sans que tu saches comment elles ont disparu. La faculté de la prononciation te vient sans que tu saches comment elle est venue, puis elle disparaît quand Allah le veut, sans que tu saches comment elle a disparu. Voilà le sens de notre propos quand nous disons que l'homme utilise des pouvoirs sans en être l'acteur, le faiseur. L'homme est donc créé esclave d'Allah par domination et par contrainte. Quel est notre devoir après cela? Notre devoir est d'adopter une conduite en harmonie avec la réalité de notre esclavage. Je suis un esclave, mes actions vis-à-vis d'Allah doivent être celles d'un esclave. J'avais dit une fois, le nain doit porter des habits de nain, et s'il portait des habits de géant, ce serait ridicule, et ce serait même une source de moquerie contre lui, n'est-ce pas? Quant au géant, il se doit de porter des habits de géant. Je suis un nain, et mes habits doivent donc être comme moi. Je suis un esclave, ma conduite doit donc être celle des esclaves. Comment pratiquer mon esclavage vis-à-vis d'Allah? Par choix, en écoutant ses ordres et en répondant « À ton service, ô Seigneur, je suis ton esclave et je ne peux qu'obéir à tes ordres. » Il m'a dit « Prie 5 fois par jour. » Je lui dis « J'entends et j'obéis. » Jeûne le mois de Ramadan. Je dis « J'entends et j'obéis. » Baisse le regard devant ceux que tu ne dois pas regarder. Je dis « J'entends et j'obéis. » Il me dit « Acquitte-toi de l'aumône légale, de la zakat. » Je dis « J'entends et j'obéis. » Éloigne-toi de cet interdit et de celui-là et de celui-là. Je dis « J'entends et j'obéis. » Tout ça, ce sont des agissements qu'exhale, qu'émet le tribut de ton esclavage vis-à-vis d'Allah, indépendamment du paradis. Je fais ça, j'applique ça parce que je suis un esclave, qu'il me fasse entrer dans son paradis ou qu'il me jette dans son feu. et je n'ai d'autre alternative que d'exécuter ses ordres, car je suis esclave d'Allah. Y a-t-il en cela une quelconque confusion, un problème de compréhension? Si quelqu'un disait, moi j'applique les ordres d'Allah, mais si j'apprends qu'Allah, malgré mon obéissance, va me faire entrer en enfer, ben, je n'applique plus ses ordres. Pourquoi je le ferais? Si je le fais, c'est pour obtenir le paradis. Si j'apprends qu'Allah, après que j'ai prié pour lui, que j'ai jeûné, que j'ai donné l'aumône, que j'ai fait le pèlerinage, que je me sois éloigné des interdits, que je me sois fatigué pour lui, qu'après tout ça, il veut en plus me faire entrer en enfer, ben j'arrête, je prie plus pour lui. Dans cette situation, appliques-tu le sens de ton esclavage vis-à-vis de lui? Non. Par cette réaction, tu fais de toi un père, un égal d'Allah, comme si c'était un de tes amis, un de tes camarades. Est-ce bien clair? Donc, œuvrer en bien est une obligation à laquelle il n'y a pas d'alternative. Non. C'est ce qu'a décrété Allah, pureté et toute puissance à lui, en disant Inna salati, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis, en vérité, mon office, c'est-à-dire ma prière, et mon culte, et ma vie, et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Parce qu'en fait, je suis sa possession. Dans le Coran, il est aussi dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Allah te possède. Et ceci implique que tes actions, tes agissements aussi sont en sa possession. Bon. Ce que nous avons donc évoqué, c'est ce sur quoi nous nous basons pour vouloir les dons d'Allah et sa générosité. C'est son pardon, sa miséricorde, sa grâce. Nous ne nous basons pas sur nos actions. Mais cela ne justifie en aucun cas de s'éloigner des actes d'obéissance et des bonnes œuvres. Au contraire, les actes d'obéissance doivent être faits parce que tu es esclave et parce que le Seigneur est Seigneur. Parce que c'est ton suzerain, ton créateur. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Allah, pureté et toute puissance à lui, t'a accordé ses bienfaits ici-bas avant même ton entrée au paradis. Avant cette récompense du paradis. T'a-t-il accordé ses bienfaits ici-bas ou non? La nourriture dont il te fait don, d'où te vient-elle? De sa générosité, de sa grâce, l'eau. L'eau dont il t'abreuve lorsque tu as extrêmement soif. D'où te vient-elle? De sa générosité et son don. La santé qui se matérialise, qui se voit en toi, d'où te vient-elle? De la générosité d'Allah, pureté et toute puissance à lui et de sa grâce. L'univers qui t'a été assujetti autour de toi. La terre sur laquelle tu marches, l'air que tu respires, qui te ragaillardit, les embarcations qui te sont assujetties aussi, tous ces bienfaits, d'où te viennent-ils? D'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et ces bienfaits ne se comptent pas. Comme il le dit, « Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha » Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Sublime. Ces bienfaits ne nécessitent-ils pas une contrepartie de ta part? Ne dois-tu pas t'en montrer reconnaissant? Ne dois-tu pas remercier Allah pour eux? D'autant plus que tu n'es qu'un esclave et il aurait pu ne rien te donner de tout ça. La réponse est claire, oui, nous devons remercier Allah. Comment puis-je remercier Allah pour la santé qu'il m'a accordée, pour les largesses de la vie, de mon existence, au service de laquelle il m'a assujetti sa terre, son ciel, les mamelles des bestiaux, la viande de ces bestiaux? Comment le remercier? En lui disant, oh Seigneur, je ferai ce que tu demandes de moi afin de remplir ne serait-ce qu'une toute petite partie de la contrepartie à tous ses bienfaits. Donc, qu'il t'accorde ou pas son paradis, les comptes d'ici-bas ne sont même pas clos. Tu pensais donc à première vue que tu avais assez œuvré pour couvrir la valeur de ses bienfaits? Si tu as assez de bonnes œuvres pour rembourser tout ça et qu'il te reste un surplus, qu'il t'en reste en plus en rab, alors demande grâce à ce surplus son paradis. Qui d'entre vous peut dire « J'ai fait toutes les bonnes œuvres me permettant de couvrir ses bienfaits d'ici-bas et j'ai un surplus de bonnes actions par lequel je peux demander son paradis » Y en a-t-il un parmi vous qui pourrait dire pareille chose? Moi, quand je me réveille la nuit pour prier, c'est par la grâce d'Allah. Par Allah, si le Seigneur des mondes ne me permettait pas d'être dynamique, le sommeil l'emporterait sur moi et je serais dans l'incapacité de me lever. Quand je me tiens debout, entre ses mains, que je récite « Qui donc m'a donné la force de cette prière, de me tenir debout et de l'invoquer? Lui, le Créateur, pureté et toute puissance à lui. Les actes d'obéissance que tu réalises nécessitent eux-mêmes un remerciement de ta part. Un remerciement car ils ont été réalisés par l'assistance, la permission d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et quelle est belle cette parole que je n'oublie pas, de cette femme pieuse qui travaillait pour une famille et qui priait la nuit, cette femme que le maître de maison a entendu dire dans sa prosternation, « Oh Allah, je te demande par ton amour pour moi, de me faire don de ceci, de cela, de m'accorder la santé. » Mais qu'est-ce qu'elle a à faire la princesse, la chouchoute avec Allah, celle-là ? Quand elle finit sa prière, il lui dit « Non, ma fille, dis plutôt, oh Allah, je te demande tout ça par mon amour pour toi. » Que lui a-t-elle répondu ? Elle lui a répondu « Maître, si ce n'était son amour pour moi, il ne m'aurait pas réveillé à une heure pareille. Si ce n'était son amour pour moi, il ne m'aurait pas fait tenir debout pour la prière entre ses mains. Si ce n'était son amour pour moi, il ne m'aurait pas fait prononcer cette invocation. Donc il m'a aimé avant que je ne l'aime. Comment pourrais-je dire que c'est par mon travail que j'entre au paradis ? Alors que par ce travail, je n'ai pas couvert une infime partie d'un tout petit bout négligeable de tous les bienfaits d'Allah, de ses dons, de ce qu'il a offert. Non, je ne pourrais pas le dire. Les frères, quand je passe devant les marchands de fruits, que je vois les fruits ainsi disposés, je les regarde et je suis pris d'une sensation étrange. Je regarde toutes ces sortes de fruits, aux couleurs différentes, aux goûts différents, aux odeurs différentes. Ces sortes différentes, élaborées, sorties de terre, telles des œuvres d'art qui ahurissent, qui stupéfient la raison. Tout cela, qui l'a fait ? Ton Seigneur, qui a utilisé pour cela l'eau de son ciel, le sol de sa terre, ses dons, et qui a élaboré tout cela pour toi, humain, et t'a dit « Allez, viens, mange !» Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué. Comment puis-je possiblement remercier correctement, ne serait-ce que pour un seul de ses bienfaits ? Comment ? Qui donc pourrait dire « Moi, par mes actions, j'entre au paradis ?» Toi, par tes actions, tu n'as pas couvert le billionième des bienfaits qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, t'a accordé, comme autant de dettes à ton cou. N'est-ce pas vrai ? Donc, œuvrer est nécessaire pour deux raisons. N'oubliez pas. Primo, parce que je suis un esclave et que mon esclavage m'impose d'appliquer les ordres d'Allah, quel que soit ce qui m'est destiné ensuite. Segundo, parce que je suis endetté de bienfaits indéniables de la part d'Allah le Tout-Puissant, de la tête aux pieds. Il me faut donc le remercier pour ses bienfaits. Il dit lui-même « Kulu min rizqi rabbikum wa shkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur » Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant. Contrée excellente et Seigneur pardonneur. Donc les bonnes œuvres sont nécessaires. Le fait de dire « je me base seulement sur le pardon d'Allah » ne veut pas du tout dire « je délaisse l'action » car l'action a d'autres raisons et nous avons évoqué deux raisons. L'autre confusion qu'il peut y avoir, c'est que l'un d'entre vous puisse dire « si l'action vient d'Allah, si c'est lui qui me la permet et me la fait faire, et si c'est lui qui m'en a fait don et m'a donné l'énergie nécessaire à sa réalisation, qu'en est-il de cet humain ingrat à qui Allah n'a pas permis les bonnes actions ? Allah, pureté et toute puissance à lui, ne le lui a pas permis. » Cette seconde question, c'est une question à laquelle les pensées de l'homme aboutissent à cause d'une illusion par laquelle il s'imagine qu'en fait, Allah ferait preuve de favoritisme envers certains de ses esclaves aux dépens du reste. C'est-à-dire, le Seigneur des mondes, pureté à lui, m'a par exemple mis dans une bonne forme pour faire des prières surrégatoires la nuit, mais il n'a pas donné cette bonne forme à un tel. Bon, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Le Seigneur des mondes, comme il dit, « Habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina » Il nous a fait aimer la foi et l'a embelli dans nos cœurs. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait aimer à d'autres gens ? Pourquoi ? Ce genre de confusion et de problème existe, et il nous mène vers un autre thème. Et je fais partie de ceux qui croient en l'importance d'étudier ce thème. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire un livre que j'ai appelé « Al-insan musayyarun am mukhayyar ». L'homme est-il dirigé arbitrairement dans ses actions, ou en a-t-il le choix ? Comme dit dans le Coran, « فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ » Et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine. Il lui ouvre la poitrine à la soumission. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. C'est-à-dire qu'Allah a voulu ouvrir la poitrine de Jean à sa connaissance et à la croyance en lui, et nous en faisons partie à Allah la louange, c'est un bienfait énorme, et il n'a pas voulu ouvrir la poitrine d'autres gens à cela. C'est vrai. Mais posons-nous la question suivante. Quand Allah a voulu ouvrir la poitrine des uns à la croyance en lui et au bien, et qu'il a voulu rendre étroite la poitrine des autres, était-ce sans cause aucune ou y avait-il une raison à cela ? Quiconque s'expose à la miséricorde d'Allah l'atteint. Et quiconque s'expose à la colère d'Allah l'atteint. Ceci est une réalité. Donc l'homme à qui Allah n'ouvre pas la poitrine à la soumission, à l'islam, qui est-il ? C'est celui qui s'est empli d'orgueil devant Allah. L'appel d'Allah le poursuit, Il trouve les portes ouvertes devant lui, et les conditions de la guidance brillent devant ses yeux et devant sa raison. Mais il détourne la tête. Il emplit son cœur d'orgueil devant la vérité, jour après jour après jour. Quand il s'enorgueillit, qu'il va de l'avant en continuant sur cette voie de l'orgueil, Allah le Tout-Puissant ferme les fenêtres de son cœur et rend sa poitrine étroite. Sa poitrine ne s'ouvre donc pas à la guidance. L'image extérieure qu'on peut voir du coup, c'est qu'il y a des gens qu'Allah aime et donc il leur a ouvert la poitrine, et d'autres qu'il n'aime pas et donc il ne leur a pas ouvert la poitrine, comme ça. Non les frères, il y a une cause, sauf que cette cause, vous ne la voyez pas. Y a-t-il une preuve de cela ? Oui, le livre d'Allah le Tout-Puissant est la preuve. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. C'est-à-dire, on vient lui faire des rappels, comme dans cette assemblée. On vient lui dire, viens mon frère que je te conseille. Il répond, garde tes conseils pour toi, ce que tu me racontes c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on est dans l'ère de la science. Que dit Allah le Tout-Puissant sur cela ? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui s'en détourne et qui s'en détourna en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de telle sorte qu'ils ne le comprennent pas, et avons mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Et Allah l'a répété d'une deuxième façon en disant « سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le sentier de la bienguidance, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. » Ça, les frères, ce sont les règles d'Allah le Tout-Puissant. Ramène n'importe qui, à condition qu'il ne soit pas orgueilleux, qu'il ne s'enorgueillisse pas, qu'il laisse son âme dans sa nature, dans son caractère originel. Ramène-moi n'importe qui dirait « Je vais écouter pour connaître la vérité. Si je vois la vérité dans l'athéisme, dans la mécréance, je ne croirai pas. Je ne croirai pas. Et si je vois la vérité dans la foi, je croirai. » Lui, ce genre de personne-là, c'est bon pour lui. À ce genre de personne, le Dieu dit « Bienvenue, bienvenue à toi, je vais te guider, parce que tu t'es délivré de l'orgueil. » Alors que cette personne-là n'a même pas dit, dès le début, « A priori, je vais croire. » Elle a juste dit « Je vais suivre la raison. » Voilà comment Allah traite ses esclaves. Un second type de personne, et ce type-là vous en connaissez beaucoup, le monde en est rempli. Un second, quand je lui dis « viens qu'on discute », dès le début, et avant même que la discussion n'ait commencé, il a préparé tous les moyens de tromperie, de duplicité, pour échapper aux réalités que tu lui indiques. Il s'enfle d'orgueil, son sectarisme, son tribalisme, sa fierté, son entêtement, son orgueil face à la vérité le conduisent à ça. Et à partir de ça, lorsque tu essayes de le guider, il ne se guide pas. C'est ça le secret. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, n'est injuste envers personne. Comme il le dit, Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a, walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. En vérité, Allah ne commet aucune injustice à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui se font du tort à eux-mêmes. Oui. Donc voilà la réponse à cette deuxième question. Quiconque se détourne d'Allah, Allah se détourne de lui. Nasullah fa ansahum anfusahum. Ils ont oublié Allah et alors Allah a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Cette notion d'oubli ne veut pas dire qu'Allah attend de lui qu'il fasse une sorte de saut de l'esprit au-delà de la raison pour se mettre à croire en Allah comme ça tout d'un coup. Non, le Créateur n'a pas exigé cela de nous. Il a exigé la science, le savoir. Il nous a dit, moi je vous ai donné un cerveau, je vous ai donné la raison. Réfléchissez. Le premier pas doit venir de vous et tous les pas qui le suivent viendront de moi. Juste faites le premier pas. Et que te coûte ce premier pas ? Il te coûte de te tourner vers Allah. Pas par la conduite, juste par la raison, la réflexion. Et si toi, tu fais ce premier pas qui ne te coûte rien, le Créateur, pureté et toute puissance à lui, fait plusieurs pas vers toi, comme rapporté dans un hadith authentique. Oui. Quelle confusion reste-t-il donc dans ce sujet, les frères ? Il n'y en a plus. Nous devons œuvrer en bien. Nous devons obéir. car nous sommes des esclaves, et parce que nous devons nous montrer reconnaissants envers Allah, qu'il nous fasse entrer dans son paradis ou pas. Ça, c'est un point. Deuxièmement, nous lui demandons son paradis, et nous devons de le faire, comme le faisait notre maître, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Revenez à ses invocations. Il demandait toujours à Allah le paradis, et lui demandait protection contre l'enfer. Mais quand nous demandons à Allah son paradis, nous le convoitons par le biais d'un seul prix. Quel est ce prix ? Le pardon d'Allah, sa grâce, sa générosité, sa miséricorde, pureté et toute puissance à lui. Voilà notre devoir. En conséquence, les frères, quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous récitons le Coran, quand nous adorons Allah, l'adorons-nous pour son paradis ou l'adorons-nous parce que c'est un Seigneur qui mérite l'adoration ? Nous l'adorons parce que c'est un Seigneur qui mérite l'adoration. Mais en même temps, nous tendons les mains de la supplication, de la demande vers la générosité d'Allah. Nous pouvons nous passer des dons d'Allah. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout que nous demandons. Oh mon Seigneur, fais-moi jouir de la santé. Oh mon Seigneur, fais-moi jouir des bienfaits d'ici-bas et de l'au-delà. Oh mon Seigneur, éloigne de moi la douleur. Oh mon Seigneur, ouvre-moi la poitrine. Oh mon Seigneur, accorde-moi le don du paradis. Oh mon Seigneur, fais de moi un de tes serviteurs approchés. Tout. Mais je ne vais pas lier toutes ces demandes à mes œuvres futiles, extrêmement futiles, à ces quelques unités de prière que j'ai accomplies, d'ailleurs par sa grâce. De là, nous comprenons l'importance des paroles de Rabi' al-Adawiyya, quand elle a dit « Oh Allah, je ne t'ai pas adoré par convoitise de ton paradis ou par peur de ton enfer, mais j'ai su que tu étais un Seigneur méritant l'adoration, et alors je t'ai adoré. » اللهم إني ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكني علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك. Y a-t-il le moindre problème dans ces propos ? À votre avis, Rabi' al-Adawiyya, demandez le paradis d'Allah ou pas ? Bien sûr. Et nombreuses sont les invocations où elle demande le paradis et où elle exprime ouvertement sa peur de la colère d'Allah et de son enfer. Oui, mais quand elle demande le paradis, elle ne le demande pas par une somme qu'elle aurait regroupée par ses actions. Mais elle lui demande en sa qualité de Seigneur des univers. Mon Seigneur, la noblesse te sied, car la noblesse est ta description. La générosité te sied, car la générosité est ta nature. Le pardon te sied, car le pardon est ta méthode, et tu es bien celui qui a dit « Qul kullu ya'malu ala shakilati » dit « Chacun agit selon sa méthode ». Et ta méthode est la miséricorde, ta méthode est le don. Voilà le sens des propos de Rabi' al-Adawiyya, ces propos dont on a entendu tant de critiques de la part de gens superficiels. Par Allah, c'est cela notre chemin vers Allah, et c'est sur cela que nous rencontrerons Allah. Oh Allah, je ne t'ai pas adoré par convoitise de ton paradis, ni par peur de ton enfer, mais j'ai su que tu étais un Seigneur méritant l'adoration, et alors je t'ai adoré. Et cela alors que je suis celui qui a le plus besoin de ton paradis. Je suis celui qui a le plus besoin de demander ta protection contre ton enfer et ton courroux. Je suis faible, ne me châtie pas. Mais le prix de tout cela, qu'est-ce que tu crois avoir fait avec tes prières? Qu'est-ce qu'elles peuvent bien valoir? Si les propos de Rabi' al-Adawiyya étaient faux, cela voudrait dire que le contraire serait vrai. Oh Allah, je ne t'ai pas adoré parce que tu es un Seigneur méritant l'adoration, mais je t'ai adoré par convoitise de ton paradis. L'un d'entre vous oserait-il dire une chose pareille? Même le pécheur, le désobéissant, pourrait-il dire cela? Jamais. On lui dit plutôt, « Oh Seigneur, tu es notre Dieu et nous sommes des esclaves. Nous t'adorons dans la mesure de nos moyens et évitons la désobéissance dans la mesure de nos moyens. » Et comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, « Vous ne saurez pas compter. » Il a dit exactement, « Istaqimu walan torsu. Imposez-vous la droiture et vous ne compterez plus. » Quelle que soit votre droiture, vous commettrez des erreurs, car l'homme a été créé faible. Donc moi, je retournerai vers Allah en laissant complètement mes œuvres de côté, même si elles étaient bonnes. Pourrais-je lui dire, « Oh Seigneur, regarde combien de bonnes actions je t'ai faites. Qui peut oser ?» Quand je retournerai vers Allah, ce sera nu, dénudé de tout, sauf de mon esclavage. S'il me dit, « Avec quoi viens-tu à moi ?» je répondrai, « Je suis venu avec l'espoir de ta miséricorde, avec l'espoir de ton don. » Mon seul capital, c'est de croire que je suis ton esclave et toi mon Seigneur. C'est tout ce avec quoi je viens. Et toute chose que je possède vient de toi, et moi je ne possède rien, car l'esclave et ce qu'il possède sont à son maître. Je pense que cette sagesse est maintenant claire. Dans tous les cas, nous lions nos espoirs, non pas à nos actions, mais à la miséricorde d'Allah. Auquel cas, ces espoirs se raffermiront vraiment. Mais cela ne diminue en rien la nécessité d'œuvrer. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.